Pourquoi serais-je trop grande pour toi? Trop grande pour toi? Avec des talons, c'est jouable. Oui, c'est jouable. Je peux m'asseoir quand tu es là. Quand tu es là. Je peux même aller sous la table. Sous la table? Quand tu es là, moi je suis bien. Je n'ai rien à te reprocher. Tu n'es ni trop, ni pas assez. J'aime quand tu es à mes côtés. Ah oui, à mes côtés. À mes côtés. À mes côtés. Pourquoi serais-je trop belle pour toi? Trop belle pour toi? Avec une perruque, c'est jouable. Oui, c'est jouable. J'ai des boutons ici ou là. Ici. Quelques poils vraiment détestables. Quand tu es là, moi je suis bien. Je n'ai rien à te reprocher. Tu n'es ni trop, ni pas assez. J'aime quand tu es à mes côtés. Ah oui, à mes côtés. À mes côtés. À mes côtés. Pourquoi serais-je trop drôle pour toi? Trop drôle pour toi? Avec des chatouilles, c'est jouable. Ouais, c'est jouable. Je veux bien pleurer dans tes bras. Dans tes bras. Et inventer des blagues minables. Quand tu es là, moi je suis bien. Je n'ai rien à te reprocher. Tu n'es ni trop, ni pas assez. J'aime quand tu es à mes côtés. À mes côtés. À mes côtés. À mes côtés. À mes côtés.